Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. JB Gagné, votre animateur, et je suis accompagné de Luc Desormeaux. Salut Luc! Salut Jean-Benoît! Et de Daniel Carosella. Salut Daniel! Oh, hey, hey! Ouais. Ça faisait... C'est comme ça. De l'énergie pour deux shows, là, ça peut ton absence? Ah ben écoute, je me suis énergisé, je suis plus pépé que jamais. Bon ben tant mieux. Ça va durer 5 minutes. Avant de retomber dans ta fameuse dépression éternelle, là, t'as... Oui, oh, oui, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, tu vas commencer à parler, là, puis là, oh boy, la drop d'énergie va arriver. Parle à ton psy qui te donne la médication un petit peu plus forte, surtout les soirs de podcast, pour que tu puisses endurer JB pendant quoi, 1h30 à peu près. Là. Vous non, êtes mais attends, tellement gentil. Attends une minute. Non, mais attends, je vais te remonter l'ego. Ça, vous n'étiez pas au courant, mais je vais le dire. Je suis allé récemment dans un événement Nintendo, puis JB, j'ai entendu des très bonnes choses sur toi. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça a l'air que t'as une belle voix. Ah. Le monde trouve que t'as une voix de radio, puis ils aiment bien t'écouter. Ça donne bien. Hey, les miracles qu'un Blue Yeti peut faire. Ah, tu sais. Parce qu'en personne... Qui a dit ça que j'envoie les chèques? En personne, il sonne comme un chaudron. Je comprends pas. Ouais, c'est ça. Ben, il y a un représentant de Nintendo, Nicolas Vincent. Écoute, on le salue, puis qui nous envoie des jeux. En retour, ben, moi, ça, j'ai pas de problème avec ça. Il y a juste toi. Oui, c'est ça. Il y a aussi, je suis désolé, je me rappelle plus de ton nom, là, mais on se fait une couple d'événements qu'on se croise, mais je suis vraiment désolé. Il travaille pour l'actualité du DVD.com. Ah oui, Sébastien, ouais, c'est ça qui fait son événement qu'on va recevoir sur le show. Il fait une 24 heures de gaming. Non, c'est pas Extra Life, c'est pour un hôpital en particulier où est-ce que sa femme avait eu des problèmes de santé. Ils ont sauvé sa vie. Et lui, il s'est dit, écoute, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce qui me fait triper? Les jeux vidéo, qu'est-ce que je veux faire? Je veux ramasser de l'argent, on mixe ça ensemble. Et il fait des 24 heures. L'an passé, écoute, je l'avais suivi. Je vais gagner des prix. Écoute, j'en avais parlé. Là, on va l'avoir en interview. Ça risque d'être à la fin du mois de mars. Mais on va vous tenir au courant, c'est sûr. Sébastien, je me rappelle juste pas le nom de famille. Là. Sébastien Trottier. Voilà. Ah, donc, c'est on va l'avoir sur le show, ça, c'est sûr et certain. Gars, quelle belle plug. Ça donne bien. Ouais, oui. C'était préparé, ça. on va en reparler. Mais oui, Sébastien est super sympathique. Ça fait une couple de fois qu'on se croise, puis à chaque fois, on se demande nos noms parce qu'on s'en rappelle jamais. Ah, vieillesse. Oh, voilà la preuve. Mais, fait que Sébastien, je te salue et ça a été une autre des personnes. En fait, elle m'a dit que toi, t'avais une belle voix, mais qui aimait aussi nous écouter dans toute notre grande sagesse. Ça sonnait mal, mais vos propos sont intéressants. Fait que ça c'est ça. Non, non. Mais Sébastien, franchement, je vais t'envoyer une liste de meilleurs podcasts à écouter. Oh. Luc. Et voilà, j'ai de la motivation à zéro. Ouais, c'est ça, là. C'est fini, là. Écoute, on a plusieurs trucs dans l'actualité qu'on veut mentionner avant de commencer le show. Juste, moi, je veux y aller avec un win parce que je trouve ça merveilleux. Tu sais, bonne cause et jeux vidéo, on vient d'en parler avec Sébastien, son truc de gaming de 24 heures pour ramasser des fonds. Moi, je trouve ça cool, je trouve ça le fun. Et on aime, tu sais, tout ce qui est Humble Bundle, en parler. Eh bien, là, il y a une nouvelle initiative. Et pourquoi je la mets dans le win et dans la section plutôt cocasse de l'émission? C'est parce que je trouve que le lien est tiré par les cheveux. C'est la gang derrière le jeu Bloodborne qui se sont associés avec une clinique de dons de sang du côté du Danemark. Si vous avez le goût, un petit voyage lundi prochain, 23, pour tous les donneurs de sang, ils donnent une copie de Bloodborne gratuit. Ouais, ça coûte combien un avion pour le Danemark? Ouais. Ah ben là, regarde, les détails là. T'es peut-être mieux d'acheter ton jeu. Jouer à Bloodborne, par exemple, ça risque de vous faire saigner. Donc, From Software, qui il va de cette... écoute, c'est une belle initiative, mais en même temps, écoute, c'est assez cocasse qu'on en parle. Je le sens, puis tu reçois le jeu. Ouais, c'est cool, il aurait pu s'associer avec plusieurs, dans plusieurs pays, mais ça aurait peut-être été compliqué. Là. Mais ouais, c'est hot. Mais bon, hein, le Danemark, c'est là que ça se passe, hein, qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais ça serait pas pire si Emma Québec ferait ça, au lieu de donner un biscuit et une petite boîte de jus. Tu reçois le Bloodborne, ça serait quand même pas si pire. Ouais, là, ça serait un beau lien. C'est toujours drôle, là. Tu fais cocasse, là, d'ailleurs. Tu sais, je peux pas donner de sang, en tout cas. Bref, j'ai une raison. Oui, puis t'es maladie, là. Ouais, ben, c'est ça. Non, c'est l'utilisation de drogue. Ouais, non, tout à l'heure, c'est ça. Comment détruire la réputation de quelqu'un? Oui, je vous rappelle, je travaille dans le domaine de la justice, merci. Mais moi, c'est drôle, hein, à chaque fois que j'arrive là, puis vous m'avez déjà vu en personne, et qu'ils sont pas sûrs, hein, ils sont comme, on va le coucher tout de suite, là, parce que s'il tombe, on sera juste pas capable de le ramasser. On peut pas le ramasser, c'est sûr. Non, on peut pas, là. S'il tombe, on va tous mourir. Ah, s'il tombe, il y a un tremblement de terre, là. C'est chiant. C'est imposant, mais pas au point de craquer une dalle de ciment, là, quand même. Ouais, mais m'a dit, une fois, j'avais pogné une infirmière, elle devait mesurer 4 pieds 10. Ouais. Pour elle, je représentais tout un défi. C'est clair. Puis là, tu te dis, faut pas mal je le pique, là, parce que c'est clair qu'il me sac une volée si je fais mal, là. Ah, oh, c'est clair, il m'arrache la face. Tu sais, un réflexe, le bras part, puis elle avec, là, c'est sûr. Là. Ah, oui. Oh, mon Dieu, j'ai une image. Ah, regarde, une petite infirmière qui vole, comme la soeur volante, ça serait cœur. On a de l'actualité pour décoller le show. On a-tu vraiment ça? Oui, on a ça. D'ailleurs, ça va partir avec toi. Luc, tu voulais nous parler un peu de Microsoft et de Windows 10. Oui, Microsoft qui a annoncé la fenêtre de lancement de Windows. Ça va être cet été. Moi, j'ai commencé à chanter déjà. Hein. Je suis en joie. C'est le party. Internet Explorer meurt. Ben yes! Oui. Je ne sais pas s'ils vont avoir une cérémonie, quelque chose de... Mais bon, c'est ça, Microsoft a annoncé que Windows 10 serait lancé cet été, donc au courant de l'été, il n'y a pas de date spécifique pour le lancement. Bonne nouvelle, bon, ça va être gratuit pour tous les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8. La mise à jour va se faire directement à travers les mises à jour Windows, donc Windows Update. OK. Vous allez pouvoir aller là et décider de faire votre mise à jour directement à Windows 10 à travers de ça. Puis, bon, ça va être gratuit. Il va probablement avoir d'autres manières d'avoir aussi Windows, soit le télécharger complètement ou avoir peut-être même une copie en DVD. Copie en DVD, attendez-vous au moins que si vous la commandez de Windows, ils vont vous charger le prix du shipping et du disque. Mais pour le reste, Windows en tant que tel va être gratuit au moins pour un an après le lancement du OS. Donc, puis il y en a qui disent que ça va vraiment être plus longtemps que ça, là, qui va être gratuit, probablement à perpétuité. Mais ça vous prend au moins Windows 7 ou Windows 8 pour l'avoir gratuitement si vous avez Vista ou XP. Ben, bonne chance. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous avez un Windows 7, même, vous allez pouvoir faire une mise à jour directe. Donc, théoriquement, vous ne perdez rien de vos configurations. Vous n'avez pas besoin de reformater le disque et de repartir à zéro, ce qui est en tant que tel une très bonne nouvelle. Puis on comprend un peu Microsoft de faire ça parce que bon, Windows 8 n'a pas nécessairement pogné beaucoup. Même si moi j'ai deux PC puis je roule Windows 8 sur les deux, puis j'ai aucun problème avec ça. Je trouve qu'un coup qu'on le connaît, ça va quand même assez bien. Mais on va pouvoir faire la mise à jour vers Windows 7. Puis Microsoft est un peu craintif qu'il y a des gens qui ne feront pas quand même le move entre Windows 7 et Windows 10 parce qu'ils aiment bien leur Windows 7. Windows 7 qui est un des OS qui est très stable, puis qu'on aime encore aujourd'hui. Donc, c'est ça. Ça va devoir si tout le monde va faire le pas vers Windows 10. Moi, quand il va sortir en version complète, je vais l'installer sur un de mes deux PC puis je vais voir ce que c'est. J'ai déjà joué un peu avec, c'est très bien. Là, c'est épuré. La manière de travailler ressemble beaucoup à c'est un mix de Windows 7 puis Windows 8. Donc, on a un bouton démarrer puis on a nos menus. On a encore nos espèces de tuiles comme on a dans Windows 8. C'est un bel hybride. Puis ça va être, selon ce qu'on sait, ça va être un magasin pour toutes les périphériques. Donc, le magasin pour le PC, le Microsoft Store pour le PC, pour la tablette, pour les téléphones, ça va être un magasin. Ça va être une série d'applications qui va fonctionner sur toutes les plateformes. C'est vraiment une plateforme unifiée. Puis c'est un peu pour ça que Windows ou que Microsoft a décidé de sauter par-dessus le Windows 9. C'est vraiment pour marquer un nouveau départ comme dans la famille Windows. Puis ça va être un Windows pour toutes les... C'est comme la bague dans Le Seigneur des Anneaux. Un Windows pour toutes les dominés. Donc, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va faire. Mais c'est une belle nouveauté qu'on T'es va en train pouvoir... de me dire que le but, c'est de prendre Bill Gates puis de le sacrer dans un volcan? Je sais pas, peut-être. Pour en mettre fin à cette tyrannie, non? Ouais, Bill Gates a plus rien à faire avec Windows, avec Microsoft depuis un bout de temps, puis encore moins avec Windows. C'est pour la joke, man. Ouais, je sais. Mais ce qui est bien, par exemple, c'est que c'est la première fois qu'on va pouvoir mettre à jour un OS directement à travers de Windows Update. Je veux dire, Apple le fait depuis quelques années où on fait notre mise à jour directement à travers iTunes de notre nouveau OS. Là, on peut passer de Windows de OS 10.7 à 8 à 9 à 10 à travers Windows Update, Windows Update à travers iTunes. Mais là, c'est la première fois que Microsoft va vers ça aussi. Donc, ça va être une belle nouveauté. Puis je pense que ça va le rendre plus facile. Pas besoin de s'installer une clé, de brûler un DVD ou des choses comme ça. Là, ça va se faire tout automatiquement. Fait que j'ai hâte de voir ça. C'est une bonne nouvelle. Oh yes! Cet été. Nouveau OS cet été. Oui. Et Dan, tu avais deux petits trucs. Tu voulais nous parler, entre autres, de Nintendo. Avec sa grosse annonce. D'un, on ouvre la porte au transport sur... à transposer certaines des IP, des trucs qu'on possède. Des franchises, ouais. Ouais, des franchises sur le mobile et aussi la mystérieuse NX. Ah oui, ben on s'entend que ça s'appellera pas de même, là. Je vous rappelle que. C'est quoi la NX, là, juste pour. La NX. La NX, c'est le nom de code de la prochaine console de Nintendo. Puis c'est pas. Moi, je qualifie même pas ça de dévoilement, là. Si ça a filtré, puis bon, Nintendo a juste dit que il y avait une nouvelle console présentement en développement, ce qui est quasiment une surprise. Prend combien de temps de développer une console? Parce que. Ça dépend. Tu peux le dire là, puis ça. Tu sais, dans 6 ans, elle sort, là. C'est ça, là. Ça peut être très long, là. Selon moi, le développement de cette console-là a déjà dû commencer il y a un an et demi facilement. Donc, j'imagine qu'on est peut-être dans une fenêtre de 3-4 ans encore. Mais je dis ça sous toute réserve, là. Chaque projet est différent. Je sais pas. Puis c'est ça l'affaire. C'est qu'on sait pas grand-chose, tu sais, de cette console-là. Donc, on sait pas les composantes qu'il va y avoir là-dedans. On sait pas qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va permettre. Fait que, tu sais, c'est un peu dur de dire, elle va sortir dans tant d'années. On se permet-tu un petit sondage maison, là, entre nous autres, là? Laisse-moi parler. Non, mais on reviendra là, parce qu'on est sur le sujet là, de la console. Vas-y. Qu'est-ce qu'on veut dans cette console-là? Qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse? Ah, j'ai écrit là-dessus, c'est juste pas publié encore. Ah, ben là, écoute, brûle des punchs. Ah non, c'est ça. Ben, non, je vais vous laisser y aller, puis je le compléterai au Luc? Besoin. Moi, je veux juste une console pour jouer à des jeux. Je comprends que Nintendo, depuis plusieurs années, veulent évoluer, faire évoluer le gaming, puis ont sorti, c'est eux autres qui ont parti la mode de bouger pour jouer avec la Wii. Après ça, tout le monde a essayé de copier ça. Bon, Sony, puis Microsoft ont essayé de copier ça avec la Kinect, puis le PlayStation patente qui n'a pas pogné. On essaye encore avec la Xbox One, mais on a un peu lâché à Kinect. Là, avec la Wii U, ben là, on a sorti avec un écran tactile, puis un gamepad où on peut jouer directement dessus. Bon, ça, c'est bien, là. On a le stylet aussi, là. J'aimerais ça qu'on retourne à la base. J'aimerais ça qu'on retourne à une console, pas de flafla, pas de niaisage. C'est pas du niaisage, mais pas d'extra. Une console style PlayStation 4, style Xbox One, où on a une manette, on joue, puis qu'on a des jeux aussi à la sortie. Ça veut dire pas attendre 3 ans pour un Mario ou 4 ans pour un Zelda. À la sortie, tu me donnes un Mario, tu me donnes un Zelda, tu me donnes un Kirby, tu me donnes des grosses franchises qui sortent. Je dis pas nécessairement le jour qu'elle sort, mais donnez-moi au moins une grosse franchise le jour que ça sort. Mais donnez-moi 2-3 jeux dans les mois qui suivent pour que l'engouement pour la console soit là. Puis aussi, un peu comme on parlait sur Facebook, JB, c'est, tu sais... Moi, je veux une console qui a les mêmes capacités que les autres en termes de technologie. Parce que là, actuellement, la Wii U, elle fait tellement des affaires que les autres font pas que... Transposer un jeu, c'est impossible. Tu peux pas, tu sais. Fait qu'il faut soit tu coupes des capacités parce que la console est moins forte, soit tu coupes des opportunités de type de gameplay qui seraient pas supportées ailleurs parce que sinon, ben, ton jeu, faut que tu développes seulement pour la Wii U. C'est pour les third parties, eux, ils veulent un maximum de consoles pour un maximum de joueurs. Fait que si t'es tellement unique, ben, ouais. Tu te les coupes, là. Eux, ils développent pour juste ta masse à toi au lieu de développer pour tout le monde. C'est moins intéressant. Ça. Tout ce qu'ils veulent, les développeurs de jeux vidéo, c'est pouvoir recompiler le même code puis le faire rouler sur d'autres choses. C'est obligé de rajouter un feature pour supporter une manette différente, puis supporter le stylet, puis supporter un autre écran, puis supporter tout plein d'affaires. Ils débarquent, puis gars, on le voit, là, il y a des gros développeurs qui touchent même pas à Wii U à cause de ces choses-là. Puis aussi à cause que les jeux se vendent plus ou moins. Là. Mais puis la console se vendait pas à un moment donné. T'sais, mais à un moment donné, c'est ça. Si tu veux compétitionner avec les autres, ben offre quelque chose de similaire, puis arrange-toi pour que ça soit facile pour les développeurs de coder pour ça. Exact. Ben, c'est ça. C'est que dans le fond, Nintendo, c'est un peu... Ben, en fait, c'est beaucoup isolé elle-même en tentant toujours de trouver un créneau différent. T'sais. On va offrir une expérience de jeu différente, unique et blablabla. C'était intéressant, mais en même temps, c'est ce qui l'a... C'est ce qui a nuit à Nintendo en bout de ligne, parce que à force de vouloir faire dans l'innovation, ben les développeurs ont dû s'ajuster, ont dû finalement lancer sur cette console-là des titres qui devaient être différents des autres plateformes, ce qui demandait plus de temps, plus d'investissement aussi. Puis les consoles Nintendo ont toujours été techniquement en arrière des compétiteurs. Ce qui fait en sorte que, à un moment donné, la Wii, autant la Wii que la Wii U, bon, la Wii, c'est à cause du phénomène de surprise, puis ça a surfé là-dessus durant toutes les années de vente de la console, mais au niveau de la Wii U, on voit que finalement, l'effet de surprise, de nouveauté étant plus là, ben, ça devient de plus difficile là, de vendre une console qui se compare pas aux autres, même si oui, on offre une expérience disons autre à travers l'écran tactile, puis bon, il y a encore la reconnaissance des mouvements avec la Wii Remote puis la Nunchuck, mais à un moment donné, c'est que tu t'isoles et tu finis par un petit peu te cannibaliser là, mm-hmm. Donc voilà. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que Nintendo s'est peinturé dans un coin présentement. Ils sont un peu pris, là. Parce que si tu sors une console qui supporte plus rien de ça, plus de manette avec un écran, plus de mouvement, toute la patente, ben là, tu tues en même temps ta rétrocompatibilité. Puis Nintendo, ouais. C'est le seul présentement qui garde la rétrocompatibilité, là. Mm-hmm. Fait que là, tu fais quoi rendu là? Puis là, si tu sors une console, juste une console normale, ben ça va être quoi la réaction de certaines personnes qui « Ah, mais là, c'est juste une console régulière, puis ils offrent pas nécessairement tous les mêmes jeux. » Tu sais, là, mettons qu'on dit que les développeurs embarquent pas tout de suite en partant aussi, fait que là, tu te ramasses handicapé de ce côté-là aussi. Fait que le prochain move de Nintendo pour une console est vraiment important, là. Ils peuvent pas se planter. Non, ils peuvent pas. Au niveau du mobile, ça c'est d'autres choses. Mais au niveau salon, disons que la marge de manœuvre est assez mince. Fait que tu sais, on le sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est que Satoru Iwata a dit que c'était une console qui était uniquement dédiée au jeu. Je sais pas ce que ça veut dire, honnêtement. Est-ce que ça veut dire que c'est des services uniquement axés sur les jeux, donc évidemment des jeux vidéo, plus les services rattachés finalement au phénomène du jeu vidéo? Est-ce que c'est ça qui va être offert sur cette console-là? Est-ce que ça va être juste une console qui va jouer des jeux, puis merci, au revoir, il n'y aura rien d'autre? Moi, je pense que... Les services web, c'est de toute façon déjà pas la force là, de Nintendo. Là. Non, mais en même temps, si Nintendo... Écoute, là, s'ils ne comprennent pas encore, là, c'est que leur capacité d'adaptation est très faible. C'est que là, finalement, ils sont pas capables. Ils veulent encore rester dans leur créneau où ils croient que c'est leur vision qui est la bonne, puis c'est celle-là qui va que les gens vont adopter. Fait que c'est pas une si Nintendo ne fait que lancer une console qui joue des jeux comme auparavant, ben ça veut dire que Nintendo finalement veut vendre son idée et ne veut pas s'adapter aux réalités contemporaines ou en tout cas à l'évolution que le jeu vidéo. Parce que tu sais, faut pas se leurrer là, sur Xbox One puis sur PlayStation 4 là, un des grands attraits en ce moment. Je sais pas quand la NX va être lancée, mais présentement, un des gros attraits, c'est de pouvoir streamer très facilement. C'est à peu près. Mais moi, en mon sens, c'est à peu près le seul service qui est absolument nécessaire d'ajouter sur une console de Nintendo. Parce que tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Netflix, tout ce qui est streaming vidéo. Bah, écoute, on n'a pas tant de besoins. Les autres le font déjà, puis c'est plus un argument de vente. Puis tant qu'à être pogné pour développer toutes les plateformes pour pouvoir les intégrer, puis que ça coûte plus cher la console, moi, tu sais, enlève-les, là, c'est pas grave. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est pour ça que je te. Si tu m'arrives avec une console à un prix vraiment plancher, puis qui fait juste offrir des jeux, puis qui a une puissance aussi forte que les deux autres compétiteurs, moi, j'embarquerais, là. Ouais, puis moi je pense que il y a certains services en ligne qui pourraient être proposés, certaines applications. Je pense que tu sais, puis c'est ça, je sais pas le futur, je peux pas le prédire, mais si Twitch est encore d'actualité ou un autre service tu sais vient le remplacer ou tout, je pense que ça serait intéressant que Nintendo l'inclue aussi. Mais parce que c'est très très très populaire là, ça on le voit avec les chiffres là, c'est très très très populaire surtout aux États-Unis. Fait non, le mobile. C'est ça. Je veux faire le lien entre les deux parce que Nintendo a dit que la NX allait entrer en complémentarité avec ses autres offres et c'est là où on a finalement à jour, mais on n'a pas mis à jour. On a plutôt dévoilé une nouvelle stratégie de jeu mobile. Donc, et d'ailleurs, le premier jeu mobile de Nintendo devrait paraître cette année. Bon, moi, là, j'ai pas sauté de joie. Là, ça fait mal jeux. À mon petit cœur. Ça te fait mal à ton petit cœur? Oui. Ben, souffre. Parce que, tu te souviens-tu, Daniel, on avait déjà parlé, là, il y a peut-être. Mm-hmm. Une couple de mois, là. Il y a un bout, là. On avait parlé que Nintendo avait approché une entreprise qui, elle, se spécialisait dans la façon de décortiquer les gameplays pour pouvoir trouver des façons de les monétiser. Puis là, on avait lancé l'hypothèse, imagine, faut que tu développes, tu payes pour avoir des sauts plus hauts, puis tu sais, des choses comme ça, tes capacités de Mario. Moi, ça me fait peur. Mais le mobile me fait très peur. Ben oui, parce que c'est un modèle d'affaires où tu payes des très petits montants, mais qui en bout de ligne peuvent se transformer en une méchante facture. Mais il n'y a pas un ça. Tu te rappelles-tu aussi qu'on avait discuté du fait qu'on ne savait pas trop quelle série qui se transposerait bien sur mobile de Nintendo? Tu sais, tout le monde pense à Mario, ouais, mais Mario avec des contrôles de mobile. Je suis pas sûr. Je reste sceptique. Mais tu sais, Star Fox? Avec la stéréoscopie. Tu sais que tu penches la console, ton téléphone d'un côté comme de l'autre pour naviguer. Puis là, tu sais, gauche, c'est un tel type d'armement. À droite, c'est un autre type d'armement. Mais écoute, moi, un Star Fox, je verrais ça. Ça pourrait être ça. Moi, j'avais évoqué peut-être, un retour de Pokémon Puzzle League ou autre jeu du même genre. Il y a Brain Age aussi qui pourrait très bien se transposer dans le domaine du mobile. Il y a des possibilités. Professeur Layton est aussi un très bon exemple. Il y avait eu d'ailleurs un jeu de Level 5, un dérivé de Professeur Layton qui avait été lancé sur iOS, qui n'était pas super d'ailleurs. Là, il y avait Zéro, un jeu de course. Oui. Oui, F-Zero, ça, on ne sait pas trop ce qui va arriver avec ça. Hein. Et je pense que c'est une série qui est en train de tomber dans l'oubli chez Nintendo. Mais il y a des possibilités. Maintenant, de quelle façon ça va se concrétiser, on verra, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'offres là, sur le marché des mobiles. Là. Des jeux en veux-tu, tu vas en avoir à pelleter. Fait que moi, je trouve que c'est un marché qui est extrêmement compétitif. Arriver à monétiser ça, il faut que tu lances un produit qui se démarque un peu, tu sais. Je vais t'en donner un, mon produit qui peut sortir demain matin sur iOS et sur Android. On t'écoute. Le dernier Kirby. Ah oui. Il se joue 100% tactile avec le stylet. Tu joues avec ton doigt au lieu de jouer avec le stylet. Tout à fait. Le jeu est fait pour ça. Tu te sers zéro des autres contrôles. Non, c'est. Ben, Luc, ben, t'as raison. Tu sais, c'est un très bon exemple. Mais c'est ça. Reste à voir de quelle façon ça va être fait. Là, vas-tu faire le pay-to-play, là, le fameux free-to-play, mais moi, j'appelle plus ça un pay-to-play. Là. J'ai hâte de voir, mais je suis pas particulièrement énervé. Là, ouais. Moi, à part tu via crack, je joue pas grand-chose sur mobile. moi, j'ai mon jeu de Sudoku là, que j'écoute, que je serais bien gros, puis c'est tout sur mobile. Là, c'est non, je suis pas un gros tripeux, moi non plus. Ma blonde, tu vois, elle joue à Bubble Witch, puis c'est à peu près ça. Fait que tu sais, on dirait, on se trouve un jeu, ça dure un certain temps, puis après ça, bouf. Tu sais, c'est pas une envie de jouer sur mobile. Là. C'est beaucoup plus des passe-temps quand t'as rien d'autre à faire. Dans un aéroport, à attendre un avion, quelque chose de même, dans l'autobus. Ouais. Fait que voilà, fait que stratégie intéressante, mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, la pression financière a eu raison de l'entêtement de Nintendo à pas vouloir se plonger là-dedans. Là, je pense que les créanciers à un moment donné ont poussé dans le derrière. Mm-hmm. Fait que voilà. Ah. Et après ça, Phil Télé, tu voulais nous parler, Daniel? Écoute, ça va tellement bien. Ça va bien, hein, à TV. Ça va surtout bien à Musique Plus et Musimax. Ah, je pensais que tu voulais me parler de Suzy Lambert qui est morte. Ça a donc bien capoté sur Internet pour rien. J'ai été un petit peu plus troublé par le dernier épisode de 19-2 que par la mort de Suzy Lambert. Là. Oui, je sais que ça s'est excité sur le net. Le père, mon Dieu, quelle fin atroce et blablabla. Bref, je n'embarquerai pas là-dedans parce que anyway, je ne l'ai même pas écouté. Puis ça ne m'intéresse pas. Fait que, espèce de poste où il diffusait aussi des émissions super intellectuelles comme LOL et la poule aux œufs d'or. Là. Excusez. T'es tombé dans la critique sociale, toi, là. Il y a pire, il y a Musique Plus. Oui, exactement. Un beau lien. Là, merci, Luc, de ramener ça. Oui, parce que, écoutez, si vous pensiez que ça faisait dur ces derniers temps au niveau de Musique Plus et Musimax, vous n'avez rien vu, parce que là, ils ont tout sacré à la porte l'esprit, l'équipe créative. Donc, l'esprit d'équipe aussi a pris le bord aussi, je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. En fait, c'est V Media, hein? V Media, c'est ça. Donc, qui est dirigée par les frères Rémillard et il n'y a plus de production locale autant pour Musique Plus que pour Musimax. Donc, ce que ça va faire, c'est que, là, on va diffuser des belles petites importations, genre Gene Simmons et ses bijoux de famille, ou la famille Kardashian, ou autre. Tu sais, vraiment, là, des émissions qui te font grandir en tant que personne, tu sais, où vraiment ça construit ton esprit critique, là. Vraiment. Faut bien qu'ils mettent ça à quelque part. Les Kardashians, si je me rappelle bien le montant, là, puis la durée, ils ont re-signé un contrat, je pense, de 4 ou 7 ans avec la compagnie qui est E-Network aux États-Unis. C'est un peu troublant. C'est comme 45 millions qu'ils vont faire pour les 7 ans. Là. C'est comme un montant assez effroyable. Là. Moi, ça me perturbe. Là. Faut bien que ça soit. Du make-up, ça, là, hein? Mais tu sais, vous allez voir, là, on a quoi, 16 ans et enceinte. Là, il me semble que j'ai entendu dire qu'elle allait avoir 16, 17, 18, 19, 20, 25, 32 et 45 ans et enceinte. Fait qu'ils vont avoir des spin-offs. Fait que tu vas avoir une journée, le lundi, ça va être la journée petite fille enceinte ou femme enceinte, ou ça va être cette journée-là. Puis après ça, tu vas avoir la journée de Gene Simmons. Moi, je trouve ça drôle. Tout le monde parle de 16 ans et enceinte, mais c'est le seul show qui a une vocation pour aider la population américaine. C'est le seul qui a de l'allure, théoriquement. OK, ça n'a pas son affaire. Tu sais, à Canal V, ça aurait comme plus de sens là, qu'à Musique Plus. Mais tu sais, des jeunes filles là, qui se font mettre enceinte à 16 ans, là, tu sais... C'est un problème de société qui existe pour vrai. C'est critiquer toutes les choses de Musique Plus, j'ai pas de trouble. Mais lui, au moins, il a une vocation outre que divertir avec des filles de potins d'Hollywood qui ont aucune carrière à part ça, là. C'est pas okay. Ça, aucun. Ben, elle a une carrière aujourd'hui, elle est porn star. Mais. c'est pas que j'écoute un autre podcast qui en parle souvent, c'est pour ça que je le sais. C'est pas parce que j'ai cherché. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Puis le problème, c'est. Je veux dire, pourquoi ça s'appelle encore Musique Plus? Eh oui, c'est ça. Ça devrait s'appeler le canal Vidange ou quelque chose de même. Il n'y a rien qui a rapport à Musique 1. Non, c'est presque, vrai. Là, je veux dire, c'est fini. Les jours de rajotte, ça fait le même, c'est ça, fini. C'est là. Fini. C'est, il restait Buzz, puis bon, mais c'est un canal que j'écoute plus, ça fait vraiment longtemps. Là. J'étais abonné là pendant des années juste pour Monsieur Net. Fait que, regarde, la journée que Monsieur Net est débarqué des ondes, c'était comme bye bye. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est, ben, moi, j'écoutais plus, là, avec tout le respect que je dois à Denis, mais et pour une émission, moi, je me. Non, j'ai fait débarquer ça. Puis là, la question aussi, ça va être qu'est-ce qu'on va faire de l'édifice qui est au coin de Bleury et Sainte-Catherine. Parce que là, on s'entend que. Il y a un container à vidange qui servit. Tu sais, ça serait super bien, là. Ce serait juste bien les bonnes dimensions, là. C'est ça. Pour ce qui reste. Non, mais c'est ça, tu sais. Là, t'as une. T'as quand même un building qui est assez gros, qui sert plus à rien, là. Fait que. Oui, il sous-loue le studio. Quand j'étais allé à la dernière de Monsieur Net, en arrière, c'était les décors de l'émission du matin de VTL qui est enregistrée là avec Monsieur Barry. Ah, d'accord. Okay. C'est V qui s'en sert pour enregistrer. Ça commence bien ou ça finit mal. Je sais pas trop là, comment ça s'appelle. Je l'écoute pas. Là. Mais, ça finit mal le matin. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est cette émission-là qui est là. Qui enregistre là. Donc, je pense que le plan, c'est de sous-louer ce studio-là à des compagnies de production externes qui vont pouvoir venir filmer là. Puis probablement que les bureaux en haut vont servir un peu comme on fait chez Mels. On loue des espaces pour les productions de films américaines, puis on loue des bureaux, mais c'est probablement la même chose qui va se passer là, j'imagine. Ah oui, mais tu sais, quand on a su ça cette semaine, bon, qu'il n'y avait plus de production interne, je veux pas ça a ramené beaucoup de souvenirs, tu sais, parce que je me rappelle de la belle époque de Musique Plus, tu sais, les portes ouvertes, ça attirait du monde, il y avait des fils, tu sais, quand les artistes venaient ici, mais je me rappelle aussi de l'époque du Gros Luxe, de leur clip, tu sais, des belles productions qui ont eu beaucoup de succès puis qu'on avait du fun à regarder. Puis ben cette époque-là, ben c'est fini. Puis c'est sûr que l'avènement de YouTube puis d'Internet puis de la diffusion des clips sur la belle toile, ben ça peut mener à la mort de ce poste-là. Puis tu regardes même MTV puis Much en Ontario, dans le Canada anglais, puis tu sais c'est plus c'est ça, c'est plus tant axé sur la musique, c'est beaucoup sur les téléréalités douteuses. C'est ça. De ce monde. La cochonnerie. Oui, ben tout ça pour dire que je connais certaines personnes, dont Claude Arson, qui ont été employés à Musique Plus pendant plusieurs années, qui là, perdent leur emploi. Fait que j'avais une petite pensée pour eux aussi cette semaine. C'est pas le fun quand tu sais qu'il y en a qui ont perdu leur emploi comme ça. Fait que voilà. Mais c'est très dommage. Oui. Fait que voilà. Ah, merci de. Moi, je décolle ça avec un don de sang, super positif pour l'humanité. Et tout, tu me. Merci, bonsoir. Tu sais. Et voilà, moi, je suis ta balance. Ouais. Daniel a amené le positivisme dans une ruelle, puis il a foutu une balle dans le fond. Un coup de batte de baseball après, une là, juste une ruelle sombre. Ah, ouais, c'est ça. Hein? On a rien de container à vidange. Ah, les locaux Musique Plus! Ouais, c'est Fleury et Sainte-Catherine, c'est mon coin, ça. Plein ça. Ah, on va avoir quand même une couple de bons sujets. Des trucs positifs. À la fin de l'émission, je vous présenterai une entrevue que j'ai faite avec Rommel Romera, qui est de Minority Media. Ça, c'est la gang derrière le jeu Papo et Yo, qui avait fait, une grande impression. Un jeu où est-ce que. Écoute, tu finissais ça, là, peut-être. T'es tout chamboulé en dedans de toi, là, à cause de l'histoire, là. Disponible gratuitement sur maintenant. PlayStation 3. Ouais. Et là, ils sont en train de développer un nouveau jeu qui s'appelle Time Machine, qui sera une exclusivité pour les tout ce qui est réalité virtuelle. les casques comme l'Oculus Rift, un jeu qui va être simplement disponible pour être jouable avec ce genre de technologie-là. Ils font vraiment un gros pari, un all-in. Et encore une fois, c'est en lien avec la conférence du GDC qui avait eu lieu du 2 au 6 mars dernier à San Francisco, où est-ce que la réalité augmentée était vraiment là sur la bouche de tout le monde. Ça n'arrêtait pas de parler de nous autres. C'était fou, c'est, là. C'est fou, là. Fait mais je veux pas être chien, mais il s'attend ça à en vendre 4 copies. Parce que moi, je suis pas prêt à m'acheter un casque. C'est une bonne question à laquelle on va tenter de répondre dans le cadre de cette entrevue-là. Okay. La réponse peut-être un petit peu plus tard sur le show. Ok. Je vais être obligé de le réécouter. Tu t'enverrais le fichier. Sinon, je vais mettre ça en fast-forward sinon. Ouais. Sinon, toi, Daniel, de quoi tu vas nous parler? Tu fais une critique de jeu. Ouais, non, je pensais que tu allais parler de mon jeu quand tu as dit sujet positif. Ah, parce que ça n'est pas tant que ça. C'est un jeu stratégique de la vapeur. Bon, encore. Ah, toi et tes drogues. Ah oui, c'est ça. Et donc, ça va s'appeler Codename Steam. Codename Steam sur 3DS. Tu sais, je t'invite à te plugger. Plug-toi, bâtard. Et en terminant, en fait, en commençant, on va y aller d'ailleurs avec toi tout de suite, Luc, tu vas nous parler de Scream Ride sur Xbox One. Ouais, un jeu dont je ne m'attendais absolument à rien. Quand j'ai reçu le code non plus, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, mais c'est ça, c'est disponible sur la Xbox One et la Xbox 360, donc c'est une exclusivité sur les consoles de Microsoft. C'est développé par Frontier Development, puis publié par Microsoft Studios. C'est un jeu de style construction, simulation, destruction, Five Old Maids du monde, des choses comme ça. C'est vraiment intéressant. Bon, c'est un jeu qui se joue aussi seulement à un joueur, puis vous pouvez le télécharger ou l'acheter sur disque. Il est 40$. Donc, c'est quoi Scream Ride? Ben, Scream Ride, c'est un peu le successeur, peut-être, de Roller Coaster Tycoon. J'ai pas joué à Roller Coaster Tycoon, je dirais même du tout. J'ai joué à Theme Park dans le temps. Ça va vous montrer un peu comment vieux je suis. Mais t'as raté de quoi? C'était bon, Roller Coaster. Moi, j'ai joué au premier. J'avais genre une clé USB, puis écoute, il était installé comme tout décompressé sur la clé USB. Je pensais ça sur l'ordi, puis j'étais capable de jouer genre sur n'importe quel PC sans l'avoir installé. Ah, la belle époque. Je jouais à ça à l'école, genre, entre mes cours. Ah, c'est bien. Ouais. Fait que c'est un simulateur construction-destruction. Il y a deux modes de jeu. Il y a un mode de jeu où c'est le mode carrière, et puis on se promène dans des parcs déjà construits, différents modes. Il y en a que c'est plus un jeu de destruction où on va mettre nos bonhommes dans une espèce de boule, là, un peu comme un manège où on serait assis dans une boule, puis là on peut nous faire tourner. La seule chose, c'est que bon, à la ronde, vous embarquez dans la dite boule, puis ils vous font tourner, et après ça, ben la boule arrête et on vous descend par terre, vous débarquez et vous allez vomir ailleurs ou vous êtes satisfait de votre expérience. Dans Scream Ride, quand on vous fait tourner dans une boule, c'est pour vous pitcher dans un building, pour détruire le building le plus possible. Donc c'est un jeu où on mélange les sensations fortes des pauvres personnes assises dans les dites boules ou dans les montagnes russes à la destruction de bâtisses et de constructions qu'on peut voir un peu partout dans cet univers-là. Donc, le premier niveau qu'on joue, c'est un niveau de montagne russe. Ça a l'air bien simple. Le but, c'est de se rendre au bout de la ligne. Ce qui est le fun dans le jeu, c'est que, bon, d'une montagne russe normale, le préposé pèse sur le petit piton, ça part, et puis c'est contrôlé. La vitesse, on sait exactement à quelle vitesse ça va aller, tout ça. Dans Scream Ride, ben, c'est un petit peu plus pété que ça. On se retrouve au milieu des années 2000, je pense que c'est 2050, quelque chose comme ça. Et puis, les montagnes russes ont des propulseurs. C'est un peu comme des moteurs d'avions, de jets, qui peuvent faire qu'on accélère sur les pistes. Il y a des boosts, ça va nous faire aller plus vite. On va prendre des courbes. Dans les courbes, il faut contrôler le dit manège pour pas qu'on débarque de la piste. Mais si on débarque de la piste, on crée de la destruction. Ça nous donne aussi des bonus. Donc, pas finir la course, mettons, entre guillemets, ou la finir, va nous donner des points quand même. Donc, on contrôle la vitesse, on contrôle les boosts, on a des quick time events, il faut peser sur le X quand on tombe sur les parties bleues, ça va nous donner un boost pour se rendre jusqu'à la prochaine partie, donc il ne faut pas les manquer, il faut vraiment peser entre le temps où ce que le bleu commence et le bleu finit pour pouvoir construire ou monter notre boost le plus longtemps qu'on le traîne, puis le plus proche de la fin de la partie bleue qu'on va appuyer sur notre X, plus notre boost va être puissant, plus qu'on va aller vite. Prendre une courbe hyper rapidement, ben là, souvent la montagne russe, le kart, la montagne russe veut comme prendre le bord, il lève d'un côté puis il veut comme tomber. Il faut ramener avec le joystick, il faut ramener l'autre côté pour comme contrebalancer, pour pas débarquer de la track. Là. On est vraiment. Si tu me voyais à la face, Luc, là, j'ai comme un. Hein? Je ne sais pas. Je suis comme pas sûr. J'ai comme gros point d'interrogation dans le visage actuellement. Là. OK. On dirait un mix entre du bobsleigh, Burnout, la série Burnout là, avec les chars. Là, il fallait se faire exploser, puis des manèges. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu un jeu de course sur une piste dans des manèges, mais le but, c'est de donner des sensations fortes aux passagers. Donc, les passagers, c'est des cobayes. Là. C'est une compagnie qui est alentour de la création de parcs. Là. L'histoire, c'est vraiment que c'est une compagnie qui crée des parcs d'attractions, qui veut créer des parcs d'attractions, des attractions, puis ils ont des gens qui travaillent pour eux, qui sont des groupies, là, vraiment, ils cherchent des sensations fortes. La population en 2050 a l'air à vouloir être ou chercher des sensations de plus en plus fortes. Puis eux autres, la compagnie qui s'appelle Screamworks veut créer des manèges qui vont faire flipper le monde complètement. Donc, le but, c'est de leur donner des sensations extrêmement fortes pour quand tu arrives au bout, le scream factor, le facteur de cri des passagers a été enregistré. Donc, plus le facteur de cri, plus les sensations fortes, plus ce que tu as de points au bout de la ligne. Sur des manèges préfaites, c'est sûr que tu peux toujours conduire. Si un coup tu maîtrises un peu le style de jeu, tu maîtrises tes boosts, tu maîtrises tes courbes, tu peux suivre le manège jusqu'à temps qu'il tombe presque ou qu'il renverse presque, mais tu réussis à le garder, ça va donner des sensations plus fortes à tes passagers, tu vas ramasser plus de points. Si tu es un peu pépère, puis tu manques toutes tes boosts, puis tout ça, mais tu vas leur donner moins de sensations fortes, fait que tu vas ramasser moins de points au bout de la ligne, puis ça te prend des points pour débarrer les autres niveaux et débarrer les autres sections. Donc, à un moment donné, il faut peut-être que tu recommences pour donner, tu sais, être meilleur, pour être capable de débarrer la section après. Les graphismes sont vraiment quand même beaux, c'est cartoon, mais c'est très léché, les couleurs sont belles, les environnements sont beaux, tout peut être détruit. Si tu, bon, malencontreusement, tu vas trop vite dans une courbe, tu manques ton coup, tu n'es pas capable de garder ton kart sur la track, ben, tu vas tomber, puis tu peux rentrer dans la raille en avant, puis tout démolir l'espèce de suite de la montagne russe. Et puis là, ben, ça va donner des points quand même, parce que tu vas gagner des points de destruction. Mais il n'y a pas vraiment de mauvais côté à ce que ça arrive, parce qu'on va te remettre exactement où tu as perdu le contrôle, puis tu as débarqué. Fait que là, tu vas pouvoir ralentir immédiatement, puis leur prendre ta courbe comme il faut, puis leur commencer à conduire comme un fou, si tu veux, ou donner de la vitesse. Fait que c'est vraiment le fun. Puis quand tu termines ton circuit, tu arrives à la fin, qui est aussi le début de ta track, ben là, tes passagers, tu vas les voir réagir. Il y en a qui vont tu vas avoir le cœur leur débat, puis là, sont à bout de souffle. T'en as qui vont avoir le gros sourire avec les pouces en l'air, des choses comme ça. Fait qu'ils vont réagir selon les sensations qu'ils ont connues. Fait que t'as ça qui est les montagnes russes. T'as une autre partie où, comme je parlais au début, t'es assis dans une boule, puis ton but, c'est comme si c'était une catapulte. Fait que là, t'as des bâtisses, t'as des buildings, puis t'as des choses bonus à des gros écrans de télévision. Si tu détruis ça, t'as des bonus. T'as des buts dans chaque niveau, ils vont donner un but. Bon, détruis une montagne russe, fais telle chose, ça va te donner des bonus de points. Quand tu détruis, bon, détruis 4 écrans vidéo, ça va donner des points, mettons. Détruis telle bâtisse, ça va te donner des points. Donc, le but, c'est de détruire les bâtisses. Tu vas voir qu'il y a des bâtisses à la base, il y a de la dynamite, ça va faire sauter la bâtisse au complet si tu peux lancer ta boule là-dedans, donc ça va te créer plus de destruction. Si tu réussis à détruire un côté, puis là la bâtisse commence à tomber vers la droite, puis là elle va frapper une autre bâtisse, tu peux créer un effet de domino, puis à peu près tout détruire dans le niveau, tu vas avoir plus de bonus. Puis tu as toujours la petite vidéo à la fin de le bateau qui va chercher tes personnages qui étaient assis dans la boule puis qui sortent de l'eau puis là sont tous comme j'étais hot. Fait que t'as la sensation. Fait que c'est un. Ça, c'est une partie du jeu qui est la partie carrière. Tu vas passer dans différents niveaux. Il y en a qui sont dans l'eau, dans des îles, dans une ville, des choses comme ça. Tu vas changer de niveau en avançant, puis tu vas avancer vers bon, la fin de l'histoire. Je me suis pas rendu jusqu'au bout, là. Puis t'as la partie plus Roller Coaster Tycoon, qui est la partie sandbox, qui est une partie construction. Fait que là, on te laisse à toi-même, puis là, je vous avertis, ça prend du temps et de la patience, où tu peux construire ton propre manège. Bon, moi, j'ai pas énormément de temps, mais je me suis construit une montagne russe que assez pétée. Une montagne russe que moi-même, je ne ferais pas, parce que je suis un pissou. Tu le sais, JB, t'es venu avec moi à Rome, tu sais que je fais à peu près rien. Fait que, c'est ça, quand t'as la peur des hauteurs, des choses comme ça. Mais bon, fait que j'ai bâti une montagne russe, puis là, c'est vraiment, ça monte jusqu'au... T'as une limite, t'as une boîte d'une certaine largeur, d'une certaine longueur, c'est un peu comme un rectangle, puis là-dedans, tu peux créer ton manège. Moi, j'ai décidé que je créais une montagne russe. Donc, tu as ta grille de départ. Tu as vraiment où est-ce que tu vas lancer ton manège, où est-ce que ton petit kart va embarquer sur la piste. Puis là, après ça, tu peux faire après ce que tu veux. Tu peux faire des courbes, tu as des cercles complets. Tu peux monter, tu peux descendre, tu peux donner des boosts, tu peux ralentir. Fait que tu bâtis ta track pour bon donner le plus de sensations possible. Fait que moi, je pars bien à plat, puis je fais à peu près 2 pieds, puis là, je monte ça direct au ciel, maximum, où ce que je peux, puis là, tout de suite, quand j'arrive en haut, je redescends jusqu'à l'eau, puis là, je repars. Et puis là, tu peux faire des courbes, tu vas faire crier le monde, puis là, tu construis, mais là, faut que tu penses aussi à un peu à la physique, parce que le jeu va prendre en compte la physique. Fait qu'à un moment donné, puis aussi les distances. À un moment donné, je m'aperçois, je fais toute ma track, je me sens tout frais, hey, ça va être hot, ils vont avoir du fun. Puis je me suis aperçu que j'ai pas donné assez d'espace pour que le kart passe entre deux tracks. Donc, ce qui se passait, c'est que la personne qui était assise dans le petit kart se pétait la tête dans le track du dessus, ou ce qui était pour passer plus tard. Puis ça détruisait au complet mon. ça détruisait mon manège au complet. Puis là, bon. Puis là. Il te remet sa traque, tu recommences, tu rentres, puis là, tu essaies de voir qu'est-ce que tu as fait de pas correct. Là, tu peux faire modifier, puis tu peux changer un peu ta piste. Puis finalement, j'ai réussi à faire une piste qui fonctionnait au complet. Et puis quand j'ai réussi à faire le tour de piste à tout le monde, ils sont arrivés, puis ça m'a donné le score maximum. Fait que, bon, la ronde, si vous voulez faire construire un manège, appelez-moi, je suis capable de vous bâtir ça, quelque chose qui va faire vomir le monde à plus finir. Mais, fait que, tu sais que c'est un jeu qui te laisse créer, c'est un jeu qui te laisse bon conduire et tout ça. Les graphismes sont beaux, c'est un jeu qui est intéressant. Bon, il est pas hyper cher, on s'entend que c'est 40$. Si vous aimez ça, c'est construire, puis vous aimez Minecraft, mettons, puis vous autres bâtir, je sais pas moi, le Faucon Millennium, grandeur nature dans Minecraft à coups de petits blocs, vous avez fait ça, puis vous avez trouvé ça que c'était un jeu d'enfant, ben vous allez être super bon là-dedans parce que on peut. Moi, je me suis même pas cassé la tête. Moi, j'ai juste fait la montagne russe, puis les piliers s'en allaient dans l'eau. Mais on peut créer une ville alentour de ça. On peut créer des espaces de gazon, des fleurs, des bâtisses avec des toits vitrés. Tous les morceaux sont là pour construire vraiment un univers alentour de ça que moi, j'ai pas pris le temps de faire, là. Fait que si vraiment vous voulez construire une piste qui a de l'allure, ça peut prendre des heures et des heures, même des jours si vous allez vraiment à détail, là. Ça peut prendre beaucoup de temps. Si vous achetez le jeu, allez voir en ligne, il y a des gens qui ont développé des pistes, oh ma foi, assez pétées. C'est des affaires qui partent puis qui font des cercles jusqu'au ciel quasiment, là. Puis là tu repars, puis quand tu arrives en haut, tu redescends encore en cercle. C'est des affaires à te faire sortir l'estomac, là. Fait que sinon, là, c'est un jeu qui est intéressant. C'est pas un must, là. C'est pas le jeu que ça vous prend si vous avez une Xbox 360 ou une Xbox One. Mais j'y donnerais quand même un très joli 7 sur 10. Tu sais, c'est comme vous aimez ce genre de jeu-là, vous avez aimé Roller Coaster Tycoon, construire, ça vous tente et tout ça, ben, allez-y fort, lâchez-vous lousse. Est-ce que ça se contrôle bien, la manette? Parce que c'est le genre de truc que, tu sais, sur PC, c'était cool, t'avais la vue d'ensemble, fait que, tu sais, avec les contrôles souris, c'était super agréable, mais là, avec manette? Oui, non, ça a bien été transposé. Mettons, tu veux construire, je sais pas moi, tu veux te faire un plancher en ciment, ben, tant que tu... tu peux garder toujours le même morceau. Fait que si tu as besoin d'en mettre 20 de fil, tu tiens le bouton enfoncé, puis tu tasses la manette, puis il va t'en faire jusqu'à temps que tu arrêtes jusqu'au bout. T'sais. Okay. C'est pas hyper difficile à contrôler. La seule chose, à un moment donné, quand tu construis comme une montagne russe, puis tu places tes tracks en haut, dépendant de l'angle de ta caméra, de la manière que tu vas pousser ta manette pour avancer tes tracks un en avant de l'autre. Si tu as une courbe, à un moment donné, ta track va commencer à virer sur elle-même, comme pour faire une loop. Si tu veux que ton manège vire à l'envers, ben, elle va commencer à twister pour, à un moment donné, amener ton kart à être à l'envers au lieu d'être à l'endroit. Puis des fois, c'est pas volontaire, c'est juste que de la manière que la caméra est placée, ça tourne comme ça au lieu d'aller juste droit, là. Mais c'est à peu près la seule chose qui est un petit peu sommaire des fois à contrôler. Pour le reste, ça se fait facilement. Changer les blocs, un coup qu'on commence à pogner le tour un peu, ok, je pèse sur menu, je m'en vais de telle place, là, je vais trouver mes blocs de construction de bâtisse, là, je vais trouver mes tracks pour construire ma montagne russe. Si vous voulez faire le genre de jeu de catapulte, vous pouvez le faire aussi. Vous allez avoir votre base pour votre catapulte. Le genre de pod que vous voulez que les gens soient assis dedans. Il y en a que c'est juste une boule. Il y en a que c'est plus un cylindre. Fait que tu peux choisir ça. Tu peux, après ça, les bâtisses à détruire. Puis tout ça. C'est vraiment poussé. Là. On peut y aller à plus finir quasiment. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de morceaux différents. Puis là, faire... Tu sais, être sûr que ce morceau-là va aller avec ce morceau-là. Je me suis bâti un building à un moment donné. Je me disais, ah, check bien, il ferait, il va me bâtir une bâtisse. J'étais arrivé, j'ai jamais été capable de mettre un toit dessus. Parce okay. que quand j'essayais de mettre mon toit dessus, il y avait un espace d'un demi-étage entre mon toit puis où ce que mon building finissait. Puis si j'essayais d'ajouter un mur pour me rendre jusque-là, mais là, je dépassais. Fait que j'avais probablement pas le bon morceau. Mais je me suis dit, ah, puis tu sais, de la chenoute, moi, ce que je veux voir, c'est vraiment le monde se pétait à la gueule. fait que c'est ça que j'ai fait. Bon, ben, c'est ça. 7 sur 10, 40$, si ça vous intéresse, allez-y. C'est le fun. J'ai eu du plaisir à jouer à ça. OK. Bon, ben, ouais. Good. Avis au petit Bob de Builder dans la salle, là. Ben, c'est ça. Quelque chose comme ça. Ceux qui ont, tu sais, j'ai pas ceux qui travaillent sur la construction, puis affaires comme ça. C'est ça, tu sais, dans vos temps libres. Amusez-vous. Daniel, toi, de ton côté, tu vas nous parler de Codename Steam. Ouais, qui a pas de l'air à te ravir trop. Non, pas vraiment. Bon, mais m'a pas donné une note si pire dans les circonstances, mais c'est parce que c'est un jeu où il y a pas de demi-mesure, tu sais. Si vous allez aimer, vous allez pas aimer. That's it. Okay. C'est clair comme ça. Fait que je vous le dis tout de suite, si vous avez essayé le démo, puis que vous avez aimé le système de combat, vous allez probablement aimer le jeu final. Mais si vous avez détesté la façon dont les combats se déroulent, oubliez ça, vous allez haïr ce jeu-là d'un bout à l'autre. Autrement dit, on invite les gens à essayer le démo. Vous allez avoir une excellente idée de ce que ça va vous donner au final. Oui, achetez pas ça avant d'essayer le démo, parce que le problème, c'est que vous risquez de vous retrouver devant un jeu que vous allez détester ou que vous pourriez aimer. C'est ça l'affaire. J'ai consciemment et volontairement attendu que les critiques sortent sur ce jeu-là, parce que je voulais voir si ce que je pensais était vrai, c'est-à-dire est-ce que ça va vraiment se déchirer puis pas s'entendre face à la qualité de ce jeu-là. Puis c'est ce qui est arrivé. Il y en a qui ont adoré, qui ont mis des super grosses notes, puis il y en a d'autres qui ont juste détesté puis qui l'ont traîné dans le bout. Fait que... Écoutez, c'est ça, je vous invite en première affaire à essayer le démo. Au niveau de ce que c'est Codename Steam, c'est un jeu assez éclaté. C'est un jeu qui prend place dans une version steampunk où il y a une invasion extraterrestre et où il y a des espèces d'armures finalement qui fonctionnent à la vapeur. Et... ben en fait, c'est ça. C'est des soldats qui ont cette armure-là et qui font partie de l'escouade Steam. Vous voyez le lien, là, c'est ça. Fait que... ils doivent repousser, finalement, l'envahisseur. Et là, t'as des personnages historiques qui se mêlent là-dedans, incluant Abraham Lincoln, Oui, l'ancien président est le meneur de cette fameuse escouade de vapeur. Donc, c'est ça qu'on name Steam. C'est un jeu qui est très éclaté, même au niveau visuel. C'est pas un style visuel qu'on voit souvent. Moi, tu sais, il y en a qui ont dit que c'était du cel shading. Je sais pas si j'irais jusque-là. Ça ressemble beaucoup à un style bande dessinée américaine. D'ailleurs, il y a beaucoup de références dans le jeu à la culture américaine, à la culture du divertissement américain. Donc, vous allez retrouver beaucoup de tu sais, soit au niveau du style visuel, soit au niveau de ce que vous pouvez voir dans le jeu. Vous allez trouver beaucoup de références à cette culture-là. Donc, encore là, si vous n'aimez pas la culture américaine, ben vous êtes un peu fait. Donc, voilà. Alors, ça fait la gloire du Big Mac, puis tu sais, des gens obèses, puis des fusils, puis c'est ça, là. Ah, fusil, oui. OK. Ah. Un sur trois, au moins. Au moins, hein? Je suis tellement dans le cliché, en plus. Un petit peu, oui. Ah, t'as manqué le coke. Ah, ouais, c'est vrai. Mais ça rend les gens obèses, donc j'étais comme... Il y avait un lien, oui. Là. Ah, oui, quand même. Ah, t'as raison. Mais au niveau du style de jeu, bon... Moi, j'aime beaucoup le studio derrière ce jeu-là, qui est Intelligent Systems. Tu sais, c'est un studio qui a fait sa renommée à travers les jeux de stratégie. Qu'on pense, par exemple, à Advance Wars, Fire Emblem. Tu sais, c'est un studio qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Puis avec Codename Steam, je sais pas ce qui s'est passé. Je le sais pas. Au niveau de l'exécution là, du jeu, au niveau du style... Ça détonne tellement par rapport à ce que Intelligent Systems a fait dans le passé. C'est un jeu qui est intéressant, mais il y a tellement de problématiques dans l'exécution que ça devient juste plate à jouer. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis encore là, si vous aimez ce style-là de combat, c'est correct, je respecte ça. Mais pour ma part, je trouvais tellement que ça détonnait, je trouvais tellement qu'il y avait des problèmes, même au niveau stratégique par rapport à d'autres types d'intelligence systems, que ça a fait en sorte que ça a tué complètement mon intérêt. Puis non, je ne l'ai pas terminé, j'étais juste pas capable, à un moment donné, c'était ça ou c'était ma console qui y passait. Fait que... En fait, au niveau du style de jeu, de la façon dont ça fonctionne, c'est un mélange entre le jeu de stratégie puis un jeu de tir à la troisième personne. Donc, vous avez un nombre de mouvements limité par tour, parce que c'est un jeu de stratégie par tour. Donc, chaque personnage a son nombre de mouvements limité et le terrain est finalement divisé en cases. Et pourquoi que c'est un jeu de tir à la troisième personne? C'est que la vue que vous allez avoir de chacun de vos personnages, donc vous pouvez alterner entre les personnages que vous contrôlez, c'est vraiment une vue dans en arrière. Donc, ça fait beaucoup penser à un jeu de tir à la troisième personne. Et même quand vous allez vouloir fusiller un ennemi, vous allez... ça sera pas automatique. Là. Ça sera pas, par exemple, attaque tel ennemi. Non, vous allez devoir manuellement viser l'ennemi, appuyer sur un bouton, et là, votre personnage va effectuer l'action. Par contre, chaque action... coûte un certain nombre de points de vapeur, si on veut. Par exemple, une attaque pourrait vous coûter 4 points de vapeur. Donc, il faut quand même considérer les points de vapeur qu'on a, autant dans nos mouvements que dans nos attaques. Maintenant, ça, c'est intéressant. Ça amène un niveau stratégique qui est présent. Il y a des éléments à récolter dans chacune des missions. Par exemple, il y a trois pièces. Là, désolé, là, j'ai pas le mot en français. Là, c'est du gear. De l'équipement? Non, ouais. c'est ça. C'est pas de l'équipement. C'est comme des roulettes. Des engrenages? Ouais, c'est ça. Ah, c'est okay, des engrenages. Oui, oui. Exactement. Donc, c'est des trois pièces d'engrenage que vous allez pouvoir récolter pour débloquer finalement des sortes d'armures plus puissantes et aussi des contre-attaques qui vont... des mouvements spéciaux, pardon, pas des contre-attaques, mais des mouvements spéciaux qui vont être beaucoup plus dévastateurs au fil des missions. Ça, c'est la partie encore intéressante. Il y a de l'argent aussi à récolter qui vont vous permettre d'accéder encore une fois à des armures plus puissantes. Fait que ça, quand j'ai joué à Codename Steam puis j'ai vu ça, j'ai dit, ah ben c'est le fun, tu sais, c'est une nouvelle approche au jeu stratégie, puis je trouve ça intéressant le mélange à troisième personne, il y a quand même des éléments tactiques à considérer et tout. Le problème, vous avez jamais une vue d'ensemble de la carte. sur laquelle vous allez être. Ce qui fait en sorte que vous avez uniquement un point de vue de jeu de tir à la troisième personne, mais dans un jeu tactique. Si ça fonctionnait dans des jeux comme XCOM, par exemple, dans Codenames Team, c'est très problématique parce que tu ne sais pas nécessairement où se trouvent tes ennemis. Là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est un peu ça sur un vrai terrain de combat. » Oui, mais on est dans un jeu vidéo, puis c'est censé être le fun, ce qui n'est pas le cas ici. OK? Fait que... Non, mais tu sais, il faut lui dire, là, hein, à un moment donné. Là. Tu sais, ça veut dire, moi, je mets ça au clair, là. Pisse dans tes culottes si tu passais autrement que moi, je te le dis, puis c'est direct. Fait que, mais c'est parce que moi, j'ai pas trouvé ça le fun. Moi, je me suis pas fait du fun avec ça. Tu sais, j'aime ça quand, dans un jeu stratégie, tu peux voir un peu l'ensemble de la carte, l'ensemble du niveau, prévoir tes coups comme ça et tout. Là, tu cherches un peu où sont tes ennemis et tu les vois pas bien bouger. Parce que des fois, ils bougent et là, ils sont à quelque part, mais parce que finalement, le terrain est divisé, les cases là, du terrain... Tu les vois juste autour de ton personnage. Tu les vois pas sur l'ensemble du terrain. Ça fait en sorte que des fois, tu penses que peut-être que, possiblement, que tu vas pouvoir attaquer un ennemi, mais que finalement, au prochain tour, ben, t'auras pas assez de mouvement ou tu pourras pas bien te viser ou tout. Fait que, tu sais, ça, autant il y a des éléments stratégiques, autant, je le disais, au niveau de l'exécution, c'est moyen. Mais aussi, et puis c'est ça qui a tué mon fun, c'est ce point-là. Les tours des ennemis, là, c'est long. Pis c'est long, pis il se passe pas grand chose, pis c'est long, pis t'attends qu'il bouge, pis là tu sais pas trop s'il bouge. Pis le problème, là, c'est que dans Codenames Team, quand un ennemi bouge, vous allez l'attendre parce qu'il va réfléchir. Ah ouais. Donc okay. Là, il réfléchit, et là t'attends qu'il bouge, et il y en a, là, ils réfléchissent, pis finalement ils bougent pas. Il y a pas mais d'accéléré, toi, là. Non, pis ça, là. Ça, j'ai essayé de voir. Écoutez, les options là, dans ce jeu-là sont minimes. Là. Il n'y en a quasiment pas d'options. Puis oubliez ça, là, faire avancer plus vite les tours. Il n'y en a pas d'options pour ça. Il faut attendre que l'ennemi bouge, que l'ennemi pense. Puis des fois, my God, qu'il pense lent. Puis il faut attendre, puis attendre encore. C'est très... Alors qu'en réalité, on s'entend, là, l'ordinateur ne réfléchit pas. Là, c'est ça. Non. Il y a une fraction de seconde, puis c'est déjà pris là, la décision, là. Exactement, mais on veut te donner l'illusion que comme toi, l'ennemi pense. Fait que... mais c'est... ça s'adapte aux joueurs, peut-être pour ceux qui pensent lentement. Non. Non, c'est... T'es sûr que t'as pas testé qu'un autre joueur, juste au cas? Écoute, Daniel... Prête là ta blonde, voir. Elle, sûr, ça va aller super vite. Oui, ça va aller super vite, ça va se ramasser dans le mur. C'est ça qui va arriver. non, mais je vous le dis, là, c'est... En tant que tel, là, j'ai un peu calculé. Chaque tour là, d'un ennemi dure peut-être 30 secondes là, ou peut-être une minute, gros max. Mais ça paraît 5 minutes. Ouais. Là, ça paraît très long. Puis le problème aussi, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de vue d'ensemble de la mission ou du niveau. Ce qui fait en sorte que la seule vue que tu as, c'est le derrière de ton personnage. Fait que, tu sais, des fois, là, ce qui arrive là, concrètement dans le jeu, c'est que l'ennemi bouge, mais si ton personnage n'est pas aligné avec l'ennemi, ben l'ennemi va bouger, puis toi, ben tu sauras juste pas y est où. OK. Non, mais pour vrai, là, tu sais, c'est arrivé plein de fois où je savais qu'un ennemi bougeait, mais parce que mon personnage était trop loin, je savais pas qui bougeait, puis je savais surtout pas où. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis, au niveau de l'exécution, pour un jeu vidéo... C'est pas super. C'est loin d'être optimal. Et c'est ça qui fait en sorte que ça a brisé mon fun. C'est un peu plus intéressant en affrontant un autre joueur. Où là, bon, tu sais, finalement, on voit que... L'autre réfléchit pour vrai, exactement. C'est pas l'ordinateur. C'est pas une soi-disant intelligence artificielle qui réfléchit. Mais en solo, moi, j'ai trouvé ça plus pénible qu'amusant, surtout en raison de la lenteur des tours. Puis il y a plein de clichés là-dedans que je suis comme, ok, je suis pas sûr. Là. T'sais, par exemple, quand c'est ton tour ou quand c'est le tour d'un ennemi, tu as une espèce de grosse voix bien grave et bien sentie qui dit genre, oh, player's turn ou oh, enemy's turn. T'sais, c'est comme, je sais pas, ça détonne là, un peu. C'est comme si le jeu voulait trop se prendre au sérieux, mais en même temps, c'est caricatural par rapport à la culture américaine. Tu sais, comme je dis, je sais pas ce qui s'est passé chez Intelligent Systems avec ce jeu-là. J'avais des doutes par rapport à Codename Steam. Malheureusement, ces doutes-là sont réalisés. J'étais loin d'être convaincu, puis Dieu seul sait que pour avoir joué à beaucoup de Advance Wars et Fire Emblem, j'ai été particulièrement déçu du travail sur ce jeu-là. C'est une nouvelle franchise, mais probablement une franchise qui va se limiter à un jeu, parce que je suis pas sûr que ça va avoir beaucoup de succès. C'est un jeu très niche. Moi, ce qui m'étonne tout le temps, ouais. Daniel, c'est que je me dis, ces développeurs-là, là, ils en jouent pas à des jeux de ce style-là, tu sais. Tu compares pas. Puis qu'est-ce que t'aimes pas, tu sais, dans ce style-là? Pourquoi tu répètes les mêmes erreurs que les joueurs chiolent tout le temps? Ben, ce qui m'étonne encore. Je comprends pas, hein? Ce qui m'étonne encore plus, c'est que ça vienne d'un studio qui a fait sa renommée à travers vraiment d'excellents jeux de stratégie, là. Tu sais, je disais Fire Emblem, Advance Wars, tu sais, c'est des jeux qui ont eu beaucoup de succès parce qu'ils sont bons. Puis là, c'est vraiment un gros recul, à mon sens, en Codename Steam. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais, c'est pas laid. Quand c'est ton tour, ben c'est quand même le fun. Mais il y a tellement de problèmes d'exécution que... Écoutez, moi, je le recommande pas. Je pense qu'il y a des jeux mieux conçus dans ce style-là. Je pense qu'ils sont assez faciles à trouver pour à peu près le même prix. Sur une console portable, je sais pas trop. Là, j'ai pas d'exemple qui vient en tête vite, là. Mais fouillez. Ouais, mais tu sais, juste sur 3DS, là, si vous voulez un bon jeu stratégie par tour, là, allez vous chercher Fire Emblem Awakening. Même studio. Ben meilleur. Fait que, tu sais, puis by the way, c'est un jeu qui peut être assez long, là. Il y a quand même beaucoup de missions, mais quand tu considères que ça prend autant de temps l'intelligence artificielle pour soi-disant réfléchir, ben c'est peut-être pas si long que ça, en bout de ligne. fait que voilà, écoutez, moi, parce que c'est un jeu qui peut plaire à certains, puis qu'il y en a d'autres qui vont détester, moi, je suis tenté d'y mettre un 5.5. Ok, t'es prêt à être clément d'une certaine façon. Oui. C'est pas un jeu qui m'a particulier. Moi, ça m'a pas plu. Ta clémence, c'est 5.5. C'est dire, hein? OK? Ben, j'hésitais avec le 6. J'ai dit, ah, peut-être donner le passage, mais je suis obligé de dire que j'ai abordé. C'est des erreurs de débutants, puis c'est même pas un studio débutant. Non, c'est loin d'être un studio débutant. Puis moi, je suis obligé de donner en bas de la note de passage parce que j'y joue plus. Parce que je l'ai pas fini, j'ai pas envie de le finir, je l'ai carrément mis de côté et probablement que je vais le supprimer de ma 3DS. J'ai reçu un code là pour le tester et malheureusement ça. Bye. Ben je suis désolé, c'est un exercice qui pour moi de la part d'Intelligent Systems est raté. Il y a des meilleurs jeux que ça. Allez vous chercher d'autres choses. Allez vous chercher Awakening, là, vous allez avoir bien plus de fun. Bon. Ouais. Ouais. Okay. Fait que voilà, c'était ma soirée optimiste. Oui, non, c'est ça, hein. Merci toi et ta joie de vivre. Ah, c'était carré. On s'en va en entrevue sur la réalité augmentée avec notre invité de cette semaine qui est de Minority Media. Il se nomme Romel Romera et il est responsable aux relations médias, donc c'est pour ça qu'il nous jase. Puis on va parler de réalité virtuelle et augmentée avec le jeu, entre autres, Time Machine. Sur la réalité augmentée cette semaine, encore une fois, on parle du GDC qui a eu lieu du côté de San Francisco du 2 au 6 mars. Et cette semaine, pour en parler avec nous, il est de Minority Media et c'est Romel Romera qui est responsable aux relations médias et gestionnaire médias sociaux pour Minority Media. Salut Romel. Salut, ça va? Ça va bien? Oui, très très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. On parle ensemble cette semaine parce que vous avez participé au GDC. Dis-nous un petit peu, là, quelle a été l'implication de Minority Media dans le cadre de cet événement-là? Dans le cadre de GDC, nous, ce qu'on voulait, c'était maintenir les relations qu'on avait avec certains de nos partenaires au niveau de la... des affaires. Donc, c'était vraiment plus une sortie business pour nous autres plutôt que côté exposition. C'était pour nous d'aller voir, d'aller un peu faire un peu de rattrapage un peu avec nos partenaires, voir qu'est-ce qu'ils faisaient du côté de la réalité virtuelle, puis pouvoir s'ils étaient intéressés à travailler avec nous sur Time Machine ou sur d'autres projets qu'on a en ce moment pour la réalité virtuelle. Parce que c'est ça le gros dossier actuellement, hein? C'est la réalité augmentée, tout ce qui est virtuel avec les casques d'immersion, ça ouvre un nouveau pan complètement à tout ce qui est gaming. Oui, en effet, c'est, je veux dire, en ce moment, tu sais, la réalité virtuelle, c'est pas que c'est nouveau, c'est que, bon, il y en a eu dans le passé, des années 80, on a... Mais là, c'est plus tangible, c'est plus accessible au grand public. Oui, ben, ce qui arrive en ce moment, c'est que la technologie est beaucoup plus puissante qu'elle l'a été par le passé, ce qui fait que dans le domaine du jeu vidéo, puis on remarque aussi au niveau du film, du cinéma, c'est que maintenant, on est capable de mieux, vu la puissance de la technologie, on est en meilleure mesure de voir ce qu'on peut faire avec. Au niveau des jeux vidéo, ce qu'on a remarqué justement, c'est que avec les dev kits qui sont sortis de Oculus, on était en mesure de justement d'acheter des dev kits pour expérimenter ce qu'on pourrait faire avec. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte que la technologie a beaucoup de potentiel, qu'on peut justement faire des jeux qui sont accessibles à un grand nombre, à un public assez large, et qu'on peut justement faire le transfert de dans le fond, de nos jeux vidéo vers une nouvelle technologie. Quand je dis un transfert, c'est plus de, dans le fond, nous changer notre direction de la conception de jeux vidéo conventionnels à quelque chose d'un peu plus innovateur. OK. Minority Media, vous êtes derrière le jeu Papo et Yo qui avait fait très, très bonne impression et qui, l'une de ses grosses forces, c'était d'aller chercher la sensibilité du joueur, d'aller chercher dans ses tripes côté émotion. Là, avec le nouvel outil qui est la réalité virtuelle, c'est une de vos forces déjà. Comment vous allez tenter d'utiliser ça? Tu as raison au niveau de quand tu dis que la réalité virtuelle est peut-être un des meilleurs outils qu'on a eu jusqu'à maintenant pour générer de l'empathie. À ce niveau-là, avec Time Machine, je veux dire... dirais qu'en partant, le personnage, c'est vous autres-mêmes. Donc, autrement dit, vous ne jouez pas un personnage que vous voyez sur l'écran, ben, c'est vous qui êtes assis à la place du personnage. Donc, c'est toi qui joue le personnage. Donc, à ce niveau-là, au lieu d'avoir un écran entre toi puis l'expérience du jeu vidéo, comme c'est le cas avec un jeu vidéo conventionnel, il n'y a rien entre toi puis l'histoire, il n'y a rien entre toi puis l'expérience que tu vis. C'est vraiment toi le personnage. Donc, à ce niveau-là, ça devient la meilleure situation d'empathie qu'on est en mesure de concevoir jusqu'à maintenant. Parce que, un peu comme au cinéma, on se met dans la peau des personnages, mais là, dans le jeu vidéo, on a la possibilité d'être le personnage. Et c'est ce que vous allez tenter d'aller chercher encore plus avec la réalité virtuelle. T'as plugué deux fois le nom Time Machine. C'est quoi ce projet-là? Vers quoi ça s'enligne? Time Machine, c'est notre premier jeu à réalité virtuelle. Ce qu'on appelle en anglais un jeu VR. Time Machine, c'est une histoire une aventure de science-fiction dans laquelle tu joues un scientifique du futur. Et une de tes premières missions, c'est de voyager dans le temps vers l'époque préhistorique, vers le Jurassique, pour essayer de rassembler des informations sur différentes espèces de dinosaures, pour essayer de dresser un portrait de la préhistoire le plus précis possible de l'histoire de l'humanité. Donc, dans le jeu, tu deviens le premier être humain à entrer en contact avec des dinosaures vivants. OK. Et on va avoir quoi comme jouabilité? Qu'est-ce qu'on va devoir y faire? Est-ce qu'on parle ici d'un shooter, d'un jeu d'exploration, du point and click? On s'attend à quoi? De ce côté-là, je dirais que c'est un jeu quand même assez hardcore parce que la mécanique... s'inspire beaucoup des mécaniques de jeu first-person shooter. OK. Par contre, il n'y a pas de violence dans le jeu. Autrement dit, au lieu d'avoir à tirer sur un dinosaure, vous allez avoir une mécanique de ce qu'on appelle le scanning. Le scanning, c'est ce que ça va vous demander de faire, c'est qu'il va falloir que vous vous approchiez des dinosaures de très près pour pouvoir scanner leur corps puis pouvoir recueillir des données sur l'animal en question. Une autre mécanique qu'on a, c'est ce qu'on appelle le time stop, qui est un peu au modèle de ce qu'on avait dans Prince of Persia, où, je ne sais pas si tu te rappelles un peu, mais tu avais la possibilité de revenir un peu dans le temps. Mais oui. Dans Time Machine, ce que tu as, c'est que tu as la faculté de pouvoir ralentir le temps. Autrement dit, si quand tu as affaire avec un spécimen qui est particulièrement agressif, tu vas pouvoir ralentir le temps pour pouvoir t'en approcher puis pouvoir l'examiner sans te mettre en danger. OK, parce que c'est pas le fun de devenir le snack du dinosaure, là. Voilà, effectivement. Donc, ça va être un jeu, c'est différent là, de ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant. C'est pas une mécanique qui est habituelle, c'est pas une approche qui est habituelle. Est-ce que vous pensez que la réaction du public va être bonne face à cette complète nouveauté-là? Moi, je peux te dire avec certitude que je suis, suite à GDC, suite à PAX, suite au Demo Night qu'on a fait ici à Montréal avec les événements du IGDA, la réaction a été vraiment excellente. J'ai vu beaucoup d'enthousiasme, autant du côté des gamers hardcore que du public un peu plus casual. À PAX, par exemple, quand on a fait la démo pendant 3 jours de Time Machine, et le monde les gens se sont empilés pour venir essayer le jeu. Puis la réaction était toujours la même. C'est toujours wow, oh my god. Puis comme je te dis, c'était autant des gamers que des gens qui jouent pas souvent aux jeux vidéo. On a même eu du monde. J'ai même eu quelques joueurs qui avaient certaines. Une personne qui manquait un bras, qui a joué puis qui a vraiment aimé le jeu. On a un enfant autiste qui est venu essayer le jeu puis il s'est vraiment éclaté aussi. Je veux dire, à date, la réaction est vraiment bonne, autant au niveau du gameplay qu'au niveau justement de l'histoire qu'on est en train d'élaborer autour du jeu aussi. C'est vraiment encourageant, ouais. Côté joueur, tu parlais de PAX que vous avez pu présenter votre jeu. C'est de voir un amoncellement alentour c'est pas une franchise, c'est pas un Call of Duty, c'est pas un Assassin's Creed qui de base va attirer les gens. Donc ça doit être le fun là, de voir que le bouche-oreille dans l'événement fait que ça attire le public. Ah, c'était vraiment super. Dès la première journée, on avait une file d'attente qui prend à peu près 1h30 pour venir essayer le jeu. OK. Puis c'était vraiment, c'est plate que le monde avait dû attendre autant que ça, mais en même temps, c'est encourageant de voir que le monde était aussi enthousiasmé d'essayer non seulement la technologie, mais aussi qui était attiré par Time Machine, par l'histoire, justement. Tu as mentionné Assassin's Creed. On a certaines des personnes qui étaient impliquées au niveau de la rédaction de l'histoire d'Assassin's Creed qui sont aussi en train de travailler en ce moment sur l'histoire de Time Machine. OK. Et justement, c'est ça. Ça veut dire qu'on verra jamais le bout de l'histoire? Ben, ça veut dire que. C'est pas une histoire qui va être simpliste. On parle ici justement du voyage à travers le temps. Quand on considère qu'on pourrait développer ce genre de technologie-là, cette technologie-là représente un pouvoir en soi, des implications politiques associées à ces choses-là. On sait déjà que Assassin's Creed est une franchise qui était connue justement pour aller questionner certaines choses assez significatives. Et c'est ce genre d'angle-là aussi qu'on va essayer d'explorer un peu dans Time Machine, de voir. Pas juste le flash de la technologie VR puis d'aller voir des dinosaures dans le passé, mais justement aussi d'examiner un peu en profondeur ce qu'implique le voyage à travers le temps. Est-ce que Time Machine ne sera disponible qu'avec les machines de réalité virtuelle? Oui. Oui? OK, donc on parle d'une distribution qui est particulière. Là. C'est du jamais vu jusqu'à maintenant. Là. Oui. Ben, en ce moment, ce qui arrive, c'est que, étant donné que les appareils à réalité virtuelle sont relativement nouveaux, qu'on n'a pas vraiment encore un horizon de sortie pour ces appareils-là. Ce qui va arriver sûrement au départ, c'est qu'on va avoir un public qui est assez plus hardcore qui va se procurer ces appareils-là. C'est ce public-là qu'on cible au départ. Mais, d'après moi, avec le Samsung VR, avec les technologies mobiles à réalité virtuelle qui vont se répandre assez vite, je pense que le virtuel va prendre une traction quand même assez rapidement. Puis nos jeux au départ déjà, tu sais, le genre d'histoire qu'on raconte à travers Time Machine est faite pour justement pouvoir s'étaler après ça vers des publics plus larges aussi. T'as pu côtoyer d'autres gens de l'industrie, t'as vu toi ton produit, t'as vu un peu ce que les autres développent. Comment vous vous positionnez? C'est quoi ton évaluation de la situation? Mon évaluation de la situation? Ben, tu sais, Time Machine, c'est d'une certaine façon, c'est un jeu encore à la tradition Minority, dans le sens que Minority, tu sais, je veux dire, tu nommais Papuyo tantôt, mais c'est Minority a toujours été un développeur qui défie les règles du design de jeu, tu sais, qui soit au niveau du storytelling ou au niveau des mécaniques. Donc Time Machine dans ce sens-là, même si c'est pas un jeu d'empathie comme Papuyo, c'est quand même un jeu qui va aller chercher des mécaniques de first person shooter puis qui va les réappliquer à d'autres choses. Donc à ce niveau-là, on va se positionner notre positionnement, c'est d'aller chercher le public le plus large possible avec une franchise, avec une histoire que les gens peuvent partager, peu importe l'âge qu'ils ont, peu importe le niveau d'intérêt qu'ils ont dans les jeux vidéo, qu'ils jouent occasionnellement ou que ce soit des hardcore, que ce soit vraiment une histoire qui va toucher un public qui est large. Ben, écoute, Rommel, merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous, d'être venu sur le show. On te remercie, puis écoute, on souhaite que ce projet-là se développe bien et que ben, vous atteigniez les objectifs que vous visez. Merci, je te remercie beaucoup. Au plaisir. Voilà donc pour cette entrevue à la réalité augmentée. On remercie encore une fois Rommel pour son temps. Et ben moi, je veux savoir, les gars, où est-ce qu'on vous retrouve si jamais on veut vous trouver, vous chercher, vous trouver sur le web, là. C'est quoi vos projets, là? Luc? Moi, vous pouvez me retrouver sur la planète Terre. Non, vous pouvez sur Twitter. Mon habitat naturel. Ouais, mon habitat naturel, ouais, c'est ça, c'est dans les Everglades. Non, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, @Scalazormo. J'anime aussi un petit podcast sur l'automobile qui s'appelle le Podcast Auto. Le meilleur podcast automobile au Québec, on va se le dire. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas dur quand t'es probablement le seul. Et de loin, le meilleur. Ouais, ouais. Il y avait mon ami Marc Bouchard qui en avait un, mais par faute de temps, il a dû arrêter. Mais donc, c'est ça, Podcast Auto. Vous pouvez aussi me lire sur Kijiji. J'écris sur l'automobile sur le blog de Kijiji. C'est fr.kijijiblog.ca. Dans la section véhicules. Et puis, juste comme ça, les gens qui me suivent sur Twitter, ou si vous ne me suivez pas sur Twitter, ben, c'est dommage pour vous. Non, c'est pas vrai. Mais suivez-moi parce que les prochains vendredis, je vais faire tirer des cartes de Subway. J'ai des cartes de 25$ de Subway parce que je fais partie d'un programme. J'en veux! Ouais, c'est Vie Active de Subway et tout ça. Fait que je vais faire tirer des cartes pour les 5 prochaines semaines, je me rappelle bien. Donc, ouais. Le vendredi vers midi, je mets une question sur Twitter. Répondez à la question. Je vous mets dans la liste des participants. Question n'a pas besoin d'être la bonne réponse. Je veux juste une réponse. Et puis, après ça, ben, je vous mets dans le chapeau, puis je tire un numéro. Puis si vous gagnez, ben, vous aurez une carte de 25$ de Subway. Oui, c'est ça. Le sandwich Smoke Meat de Montréal est bien bon. Il est assez écœurant, merci. Ah oui, d'ailleurs, je vais faire ma passe tâteux, là. Merci Annie pour m'avoir envoyé des cartes pour essayer ce sandwich-là il y a quand même quelques semaines. La seule affaire, c'est que je pensais pas que c'était uniquement pour le sandwich, fait que j'ai payé mes biscuits. Bon. C'est ça. Non, mais ça fait plaisir quand même. Ouais. Mais sandwich, là, Smoke Me de Montréal, si vous ne l'avez pas essayé chez Subway, il vaut la peine. À part dans un Subway, Dan, on te retrouve où? Chez McDo. Bon, il fait une blog à quelqu'un qui ne plug pas son moto. De temps en temps, chez Wendy's ou... c'est ça, question d'égalité. Chez Valentine. Ça, j'ai arrêté ça, Money. Oui, chez Valentine, oui. Chez Jacques Patate. Ben, il y a aussi la petite molle à Régent. Ça, j'ai vu ça sur le net. Oh, oui, ça existe pour vrai. Fait que bref. La grosse à Roger. Ouais. Pauvre Régent. Oui, c'est ça. C'est une crèmerie, Bado. Fait que, oui, où ce qu'on peut me retrouver, il y a Twitter, à Draco, à DG. Il y a au Palais de Justice aussi, mais c'est parce que je travaille vraiment là. C'est pas... Si vous l'accostez, ouais, hey, ce jeu-là, c'était cœur, hein? Non, en plein ça. Procès, c'est pas de en cool. En plein là. Procès, là. Hey, je vais juste te dire, man, bonne chronique, tu sais. mais non, c'est ça. Il y a Twitter, à Draco, à DG. J'écris sur plusieurs portails. Il y a affairesdegars.com. Je traite de jeux vidéo et aussi de criminalité. Je vais parler prochainement d'ailleurs d'un cas que ma blonde m'a partagé. C'est un meurtre qui a soulevé la communauté gay en 90. C'est un meurtre qui a été oublié malheureusement. Et je vais en parler parce que c'est assez horrible. Ça s'est-tu passé d'un parc, puis Joël, étais-tu là? Non, désolé. non, mais vous allez pas rire quand vous allez lire. Ça, c'est vraiment okay. Dégueulasse. C'est vraiment bon. Gratuit. Mais je vais en parler prochainement dans une de mes chroniques. Je vais aussi probablement écrire pourquoi je suis devenu criminologue. Pourquoi j'ai la tête fuckée comme ça? Fait que ça aussi, ça sera à venir. J'écris aussi pour épéelégendaire.com et le m2gaming.ca, donc avec des bandes bien sympathiques. Sinon, étonnez-vous pas aussi si vous voyez mon nom sur les écrans du métro de Montréal les jeudis et samedis. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu mon test de Dying Light sur les écrans. Donc, oui, j'étais bien fier. J'étais avec une de mes collègues, puis je dis, Gaga, c'est mon nom. Elle m'a dit, il n'est pas Millinette. Fait que ça m'a un peu. On dirait Bart, là, tu sais, quand il vient en aide à Krusty, puis là, il essaie de prouver à ses amis qu'il travaille avec Krusty, puis ouais. Check le générique sur la TV, mais tu sais, c'est comme en Millinette. T'es sûr, c'est pas écrit genre Adrien ouais. Côté? Je te jure, c'était le même feeling que j'ai ressenti. Je comprends Bart aujourd'hui. C'était un peu décevant. Fait que voilà, c'est les différentes façons dont vous pouvez me rejoindre. Je vous donne même plus mon Twitch, là. C'est un peu une conspiration. C'est ridicule, hein? C'est un peu décédé. C'est pas décédé, disons, c'est très respirateur artificiel en ce moment. C'est Nintendo qui le gère, c'est ça qui arrive. Oui, c'est ça. Ah, JB. Et toi, JB, où peut-on te retrouver? Ben moi, on me retrouve à la barre de ce beau programme qui est la réalité augmentée, mais aussi d'un autre sur le hockey qui s'appelle Hors-jeu. Tout dans un pain, il n'y a pas d'espace, pas de tiret entre le hors et le jeu. Avec mon co-animateur Jerry Godbout, on a bien du fun à faire ça une fois de temps en temps, à parler de plein de sujets. Exemple, sont bien mauvais les Oilers. Et plein d'autres. Bon. Sinon, pour ce qui est de la réalité augmentée, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, autant sur Facebook que sur Twitter. Vous cherchez Réalité Hog et vous allez nous trouver dans un cas comme dans l'autre. Et via notre adresse courriel, vous pouvez nous envoyer des messages. RealitéHog@outlook.com et RealitéHog.com pour retrouver l'ensemble des émissions. Sinon, ben, via iTunes, entre autres, on est disponible aussi. On vous invite à nous laisser des étoiles et des commentaires pour améliorer l'ordre dans lequel on sort dans les recherches. C'est des gens qui cherchent des podcasts, le fun, bon, ben, tu sais, on va être plus haut dans la liste, tu sais, puis avoir plus d'adeptes. Ça serait cool. Merci. C'est le fun, hein, d'avoir l'impression d'être aimé. Oui, c'est ça. Ah, que veux-tu? Et sinon, ben moi, personnellement, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @gangj_b, et chez nous. Mais je vous dirais pas c'est où, fait que, c'est ça. Il y a du bois, en tout cas. Il y a du bois, il y a de la forêt. Il y a beaucoup de trèverins. Ouais, moi, je peux vous dire comment trouver JB. Conduisez, puis un coup, vous allez être perdu, vous êtes arrivé. Ou si vous jamais vous avez l'impression de voir 7 caribous en sortant pas de chez vous. Comme je disais pour trouver la maison d'un de mes chums à un moment donné, je disais, tu sais, il y a une place sur la Terre où tous les nuages se ramassent dans un coin, parce que c'est là le coin de la Terre, là, ben, il reste en dessous des nuages. C'est comme dans le coin de la boîte. Bon, ok. Oui, j'habite, ouais. Ceci étant dit, merci les gars d'être venus me narguer encore une fois cette semaine. C'est très apprécié. C'est notre exutoire. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été du rendez-vous. On se dit à la prochaine fois dans un autre élément de la réalité. Augmentez! Bye bye! Bye!